Yeah, Brian, I who I run the place for me. Automatic, panic, panic, champion, mother, top, what's the matic, matic, action, no more action, match on the end, and I'm at home, at home. Boom, boom, drop, a who are on the play, play, boom, a who are on the play, play, boom, a who are on the play, play, boom, a who like, bad man, artist, panic, discuss, see me do the police, they contain justice, put to see, carry to me do the his, stand up, bet, cut, this, cannot, to pass on, let's trust, see, Phyllis, Yo j'ai annoncé la fin, moi commence même les poches, moi ça fait boss. Moi qu'a fait des vies scandales, ou qu'a mettre costales, moi qu'a crasse dans ce scandale. Quand on est pratique, ça dit que boulette matique, automatique, panique, panique. J'ai plus mon attente, pas c'est pas tic. Action, nous ma action. Vous avez les miens, mais là il t'a pas qu'à traverser le cimetière. Vous êtes où j'attends, alléluia mon frère. Pas qu'à rester si t'es chanteur. Aïe, croquez maman, sous bizarinette. Là j'aime pas qu'à faire ton internet. A long time, moi j'ai dit, moi qu'à péter net. Poussi, moi-même plus qui en bête. Papa laisse le réseau, plus pour les choses. Real G, pas ni pratique, ça dit pour l'automatique, automatique. Panique, panique, j'ai plus mon attente, pas c'est pas thématique. Ma action, nous ma action. Them go on stick, yeah man. Pop land, big up on the surf, yo. Get out of bus anyway, you're big up on the surf, yo. Yo, Brian, great talk, them big up on the surf, yo. I will a fucking run the place. I will fucking real, man. You put up on the list, I have been shook. You put up on the move, you might have seen. Yo, big general, and general in that fucking real life, no man. But a bad man, no man. You can turn the look up on the man, like I've been sex to you in real life, man. You better let you turn that bad on this cat, man. Real more compass, they are seen. Oh, who I run, oh, who I run the place. Tell them, you know. Real talks them, real talks them, fucking real up. Yo, it's unreal, that's a real, you fake pussy.